le film, moi, il m'a bien vu. Oui, mais il était pas marrant. Comment il était pas marrant? Il avait du fond. Quoi? Il avait du fond. Ah, oui. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la salle 5. Et pour cette séance, je suis avec Amaury. Bonjour Amaury. Salut. Et je suis aussi avec Victor. Bonjour Victor. Salut, salut. J'espère que vous êtes bien installés dans votre siège numéro 42, parce qu'aujourd'hui on va parler de lettres écrites au feutre vert dans les années 2000 et, encore une fois, du gars qui a porté tout ça à l'écran. Aujourd'hui, on vous présente Ma vie avec John F. Donovan. We know how things started. He answered one of your fan letters. And then an unlikely correspondence began, etc., etc. Why don't you just back it all the way up to how things started with you and John F. Donovan? I had just turned 11. Kids at school were mocking me for being a new guy. Rupert! Sorry. My mom and I, we were barely speaking anymore. All my dreams had disappeared. The only one that had survived was John. We'll get photo approval, right, Bob? Yeah, and you're getting a pony for Christmas. He, on the other hand, had everything. Fans, fame, love. I'm the luckiest guy in the world. That's the time around which some people started to wonder, was it all a lie? I wrote a letter to John F. Donovan about 5 years ago. It was rather foolish of me to think he would answer, but he did. Now I'm only 11 years old, but later I'll be like him, and we'll act in movies together. Rupert, you made up that story. I didn't! You lied, and you lied for years. I just didn't say anything! Did you, or did you not, write letters to that kid? Do you have a pen pal? Child pen pal. Do your job. Next. You are never to write to that man again. Do you understand? So why release the letters now? It's been 12 years, and frankly, have things really changed? This is about us, as a society, what we want, what we seek. I mean, what should an artist reveal of himself? And why does it matter to us? I feel like I've done everything wrong. What if I don't belong here? What if I've stolen someone else's place? Question is, how could you have stolen a place that was made just for you? Ma, can I stay here tonight? Oh, you can stay here for the rest of your life. Dear Rupert, I cannot think of a more singular friend. No one will understand this friendship until the day you want them to. Réalisé par Xavier Dolan, scénario de Xavier Dolan et Jacob Tiernier, directeur photo... Tremblay, c'est le gamin. Le directeur de la photo, c'est André Turpin, qui, d'habitude, je le dis jamais, mais là, je le dis parce qu'il avait déjà travaillé avec, avec Dolan avant sur Mommy et Tom à la ferme, dont on reparlera après. Casting de ouf hollywoodien, parce que c'est son premier film en anglais, avec Kit Harington, Jacob Tremblay, Nathalie Portman, Suzanne Sarandon, Katie Bates, Sandy Newton, je sais pas trop comment on dit son prénom, Ben Schneider et... La regrettée Jessica Chastain, qui n'est pas dedans, mais qui sera peut-être... Titan, je partis trop tôt. Mais qui sera peut-être dans le DVD, on sait jamais. Il devait y avoir Adèle aussi, la chanteuse Adèle, et je pense que c'est pour ça qu'il y a une chanson d'elle au début du film. Ah. Je me demande s'il l'a pas mise à la dernière minute pour excuser peut-être. L'éviction. Il devait y avoir Bella Thorne aussi, la meuf de Disney Channel. Mais il l'a coupé pas. Au elle montage. Elle y est pas. Non, il y est pas. C'est... Il l'a coupé au montage, il l'a dit. Qui est-ce... Alors, petite question de casting. Qui est-ce qui joue la prétendue, il faut me voir faire les guillemets, c'est copine de Kit Harington, parce qu'elle elle s'appelle Amy quelque chose, j'ai pas son nom. Elle s'appelle Amy quelque chose. Ok. C'est pas Bella Thorne, non, elle est rousse, elle est toute fine, toute petite et tout. Ah, d'accord. Bref. La bande-annonce, elle était en VO, parce que je l'ai pas trouvée en VF, mais bon, si vous avez pas compris, on va vous résumer le film tout de suite, de toute façon. Qui est-ce qui veut résumer le film? Vous bousculez pas. Bah, c'est assez compliqué parce que c'est une histoire qui est pleine de tiroirs, bon, pleine de personnages. Non, mais pour le dire simplement, c'est une relation épistolaire entre une star de la télévision et du cinéma et un jeune fan, un fan obsessionnel. Et cette relation épistolaire qui sera révélée aux yeux de tous par les médias va avoir un impact incroyable sur leur vie respective. Mmh. Et l'acteur et l'enfant vont apprendre l'un de l'autre à cause ou grâce à cette histoire. Et on va en avoir les conséquences dans ce film incroyable de destin et d'humanité. Ce destin croisé, c'était un très bon résumé. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'on commence par l'avis négatif ou comme l'avis positif? Comme ça, on pourra rebondir sur une note positive. Non. D'abord, vendez le film. Bon, appâtez l'auditeur, non, le spectateur. Ah, donc... Vas-y. Vraiment? Putain, mais oui. D'accord. On va y arriver. Alors, tu t'es trompé de résumé, en fait. Parce que moi, je n'ai pas du tout vu. J'ai pas vu ce même film. Hein, j'aurais aimé avoir Ma vie avec John F. Donovan, hein, mais je ne l'ai pas eu. Il devait avoir un problème dans la cabine de projection, je ne sais pas. Mais... Non, il y a eu des problèmes au montage, ça, on en reparlera. Voilà, oui, on va en reparler. On va beaucoup en reparler aussi, des problèmes de montage. Mais voilà, moi j'ai juste eu l'impression de voir une interview. D'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est comme ça que le film est raconté, par une interview. Bah, mais c'est ça qui est intéressant. Une alors. Interview de. C'est très intéressant tout ça. Une interview de Xavier Dolan. Il y a de la mauvaise foi. Xavier Dolan. Il y a beaucoup de mauvaise foi et de Xavier Dolan qui parle à Xavier Dolan. Moi je vais dire un truc. Le pavé dans la mare, attention. Non, c'est pas un pavé dans la mare, c'est. Ça m'énerve un peu quand les gens disent en général que c'est le réalisateur ou la réalisatrice qui parle de lui. Mais oui, enfin c'est. Ah donc c'était d'accord. Ah d'accord. Non mais en général parce que quand tu fais un film, t'extériorises ce que t'as dans toi, ce que tu penses, ce que tu ressens. Et enfin c'est le principe même de faire de l'art, c'est de sortir ce que t'as à l'intérieur de toi, que ce soit des opinions ou ta vie ou peu importe. Forcément t'as une partie de toi-même, que ce soit une petite partie ou toute ta vie. Il le fait dans tous ses films, comme mais encore tout plus le monde ici le fait, j'ai c'est l'impression normal. Mais il c'est a peut-être fait... pas son plus réussi, mais là j'ai... en plus de se déshabiller, Dolan il retire son slip là avec ses films. Tout, il a plus les chaussettes, rien du tout là. Mais même dans J'ai tué ma mère, il avait déjà dit que c'était semi-autobiographique. Enfin, c'est normal quand tu fais un film, c'est le principe de faire un film, c'est de mettre du toi dedans, donc de dire, enfin d'en faire une critique négative, de dire que il parle de lui, bah c'est évident, c'est parce normal. Qu'il y a une différence entre parler de lui et ce que j'avais entendu au cercle la semaine dernière. Il y a une différence entre parler de soi et faire de l'égocentrisme. Et moi, j'ai eu l'impression de voir de l'égocentrisme, et c'est pas forcément une mauvaise chose, l'égocentrisme. Enfin, on peut affirmer ses idées de mise en scène, ses passions. Donan l'a fait dans ses précédents films, je suis complètement d'accord. Dans J'ai tué ma mère, Mommy, tout ce que tu veux, mais néanmoins, il y avait toujours quelque chose derrière coup, c'était plus comme une valeur d'affirmation. Là, je suis désolé, mais je vais être un peu du côté du personnage de Tandy Newton, mais écoutez, les petits problèmes de privilégiés dont je m'en fous. On ne va pas voir son film, alors. Bah, si t'as pas envie de voir la vie de Dolan, t'es marrante, on va pas voir un film de Dolan. T'es marrante, forcément. Si t'as pas envie de voir la vie de... Le voir. Forcément, on va aller le voir. Oui, on fait une émission de film. Non, mais je veux dire, en général. Mais... Si t'as pas envie de voir la vie de je sais pas moi, je regarde. Oui, c'est sûr. En plus, c'est dans le titre. Le titre, c'est Ma vie avec John F. Donovan. Enfin, c'est pas ma vie avec le dernier plouc trouvé dans la rue. C'est une plus, star le, de cinéma. Le... En plus, Donovan, Dolan, ça se ressemble. Oui, non, mais enfin, c'est clairement sa vie parce que enfin, c'est un gamin acteur. Lui aussi était enfant acteur. On en reparlera. Qui devait adorer Roswell. Qui écrivait des lettres à un acteur. pas enfant, enfin un acteur adulte et tout. Oui, mais enfin, oui, moi ça, je trouve pas que c'est un problème. Il faut préciser que dans son enfance, Xavier Dolan n'arrêtait pas d'écrire des lettres à toutes ses idoles, et dont DiCaprio. Oui, la plus connue. Il, ouais. Il a lu cette lettre complètement ridicule à chacune de ses conférences. Moi perso, si j'avais vu l'affiche de Once Upon a Time in Hollywood aujourd'hui et que j'étais Xavier Dolan, j'aurais pas envoyé de lettre à Leonardo DiCaprio. Mais oui, bon. Non, mais à l'époque de Titanic. De DiCaprio. Mais oui, donc, continue ton avis. Et non seulement j'ai l'impression de voir Xavier Dolan qui parle de Xavier Dolan avec Xavier Dolan, mais oui, il y a beaucoup de mauvaise foi. Alors je vous dis tout de suite. Tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a ces problèmes de montage. Ouais. Où il y a eu vraiment un énorme problème de post-production, où il ne savait jamais où il allait. Je pense, on en a parlé chez les amis des aventuriers des salles obscures, on leur fait un coucou, on savait pas vraiment si c'était de la cause du côté des producteurs ou si c'est tout simplement Dolan qui s'est dit, ben ça, je vais faire comme je veux. Il l'a dit. Mais d'un autre côté, je me dis, ben dans ce cas-là, ça va peut-être être bien que les producteurs disent, resserre un peu Dolan en disant, t'avais une idée où c'était beaucoup plus... Ah, mais 4 heures de film. Ah, moi, honnêtement, je pense que Dolan réussit vraiment mieux lorsqu'il s'agit de fresques et... Oui, mais bon. Et là, moi, j'aurais trouvé ça pas... Il voulait faire... il le dit mieux dans les interviews, il voulait faire un film comme une fresque à la Magnolia, à la Titanic, comme des films que lui adorait à cet âge-là. J'aurais adoré voir ça. Moi je aussi. Suis non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je sens qu'il manque un petit truc, mais en même temps... Je me dis que, enfin, lui-même l'a dit dans certaines interviews. Désolé, je te coupe. Lui-même l'a dit dans certaines interviews. C'est lui qui a décidé de couper toute la storyline de Jessica Chastain. On l'a dit, de la couper au montage parce que c'était plus fluide, ça faisait plus sens, ça avait plus de rythme sans. Et aussi, il a dit que c'est super compliqué de faire un film si long avec un scénario solide où il n'y a pas de problème de rythme où tout passe nickel et tout. Et peut-être que ça a été aussi un peu peut-être qu'il a galéré, il a dit lui-même, mais la production, elle a été retardée plein de fois et tout. Enfin, tu sais, il y a eu plein de soucis. Ouais. Mais ça arrive, c'est tout. Mais oui, bon, après, je vais pas vous vouer une haine non plus à Xavier Dolan pour ce film. Mais en fait, c'est vraiment le sentiment d'avoir eu le film que je venais pas voir avec ce sujet-là, en fait. Que j'ai pas eu ce que j'étais initialement censé avoir. Et je pense que ça a été un ressenti pour beaucoup de gens parce que le film a quand même été, je vais pas dire qu'il a été décrié par la presse, mais il y a eu un accueil plutôt bof. Ouais. Et même au PVM, on en parlait avant l'enregistrement, mais auprès du public français, seul pays dont le film est sorti, il n'a pas rencontré son public pour le moment. Je pense que c'est vraiment un peu le film maudit. Peut-être que ça fera partie de ces films maudits des réalisateurs renommés qu'on réévaluera 5-10 ans plus tard comme étant un grand film, je ne sais pas. Mais voilà, c'est qu'il y a... Et puis, dans ce que j'ai eu au résultat, parce que là, on parle de ce que j'ai surtout parlé de ce que je n'ai pas eu à l'écran. Moi, voilà, enfin, ça m'a... Ça partait vraiment de bonnes intentions, mais ce qu'on voit à l'écran, moi, ça n'allait pas. Enfin, j'ai Jacob Tremblay, aussi talentueux soit-il dans d'autres films, là, il sait très bien jouer les petits cons. Bah oui, bah du coup, c'est un très bon acteur. Mais c'est un peu cringe de le voir beugler devant sa télé en disant « J'étais destiné à voir ça dans ma vie devant Roswell ». Moi, je suis sûr que tu faisais pareil devant les Simpsons. Ouais, mais pas pendant 5 minutes de générique, alors, pas tu pendant, vois. Pas pendant les 3 minutes du générique des Simpsons, hein, je suis désolé. J'avoue qu'il hurle un peu, il hurle parce que dans sa série, la mère du héros est au courant des super-pouvoirs de son fils. Ouais, t'imagines, c'est genre un plot twist de fin de saison de ta série préférée. On dirait, je vais citer, alors je cite beaucoup les gens aujourd'hui. Je suis beaucoup dans. Je suis comme Zach Dolan, je suis dans la citation. J'étais mon frère qui, en voir cet extrait qui était passé sur Canal+, me disait on dirait un nerd qui a vu le nouveau trailer de Star Wars et qui se filme devant sa webcam. Moi. Qui se filme devant sa webcam pour faire une vidéo YouTube. Je réagis au dernier et trailer y a de plein, Star Wars. En fait, Xavier Dolan demande à des acteurs anglo-saxons de jouer comme ça. Et sans aller dire que oh, c'est québécois, donc forcément ça passe mieux. Il y avait quand même quelque chose qui attirait le public à voir dans Mommy, par exemple. C'était quelque chose, je vais pas dire de dépaysant, mais... Bah, c'est pas la même culture du tout. Voilà. Même enfin, après, bah, je sais ça pas. Ça marchait bien pour les Français dans... Juste oui, la... mais et là, je sais pas, c'est... Ouais. Il y a vraiment un truc où on... c'est... les acteurs américains ne jouent pas forcément comme les acteurs français ou les acteurs québécois, je pense. Oui, bah oui, et là... peut-être que c'est lui aussi qui a pas l'habitude de ouais, diriger non, mais des ouais, acteurs. Et enfin, je sais pas, on fait donc, beaucoup d'accusations. On les voit jouer, et moi, j'y... hormis Kit Harington, oh, que putain, je trouve formidable, tellement bien. Le reste, j'ai vraiment un peu de mal. Et en tout ça pour dire qu'en conclusion... Je pense que c'était c'est un projet bigger van life en fait, mais qui n'a pas fonctionné. C'est vraiment le truc qui était vraiment trop gros, trop gros pour ses épaules. Peut-être qu'il aurait fallu qu'il attende encore quelques années de plus pour obtenir le film de la maturité, comme dirait tout le monde. Et le film de voilà. La maturité de Xavier Dolan. Ouais, c'est... parce qu'il l'a toujours mais pas eu, je trouve. Il n'existe pas, ce serait pas un certain Tom à la ferme, le film de la non, maturité de non, alors, il est super, Tom à la ferme. Moi, mais... j'aurais dit que ce serait Mommy, en vrai, parce que Mommy, c'est un peu genre son apogée. Tout le monde a crié au génie, il a été un peu... Ouais, ça a été le succès populaire, mais parce qu'on a encore dit que c'était un jeune prodige. Et ouais. Puis je m'en veux un petit peu aussi à Xavier, aussi, oh là formidable, là. Aussi formidable... Tu m'en veux beaucoup, j'ai l'impression, aujourd'hui. Aussi formidable que soit Mommy, je lui quand même en veux, parce que c'est lui qui a repopularisé... à nouveau Wonderwall, et j'en peux plus moi des gens qui chantent Wonderwall à la guitare C'est devenu un meme maintenant. Voilà, mais voilà, donc mais dites-en Suzanne et c'est juste mon c'est juste mon avis subjectif, d'accord, sur quelques voilà. Quelques trucs avec toi. Donc, Amaury, parlons-en. Bon, que bah je vais remonter la pente bon, quoi dire. Bon, déjà je vais commencer par une phrase extrêmement galvaudée sur Xavier Dolan, mais moi il me semble vraiment que c'est le réalisateur emblématique d'une certaine génération, mm-hmm. qui est la mienne et qui est la vôtre, ouais. Aussi je pense hein, c'est les non mais moi je t'es, moi t'es, je, t'as une je regardais de vieux dans un corps de jeune je regardais oui je regardais Twin Peaks à 10 ans, oh, moi voyons pardon, tu lisais Stendhal par ailleurs c'est intéressant ce truc de vieux dans un corps de jeune, parce que c'est ce qu'est Xavier Dolan, enfin c'est vraiment un ouais. Type qui a des phrases de vieillard, enfin bon bah c'est le Québec mais... aussi hein. C'est oh, l'expression québécoise aussi qui sont un peu chelou des fois, c'est un gamin. Ça, vraiment, alors franchement. Oh, mais et. Oh, non, mais, pas mais il a des angoisses et il a des peurs et des obsessions qui sont. Bah, qui sont franchement. Vraiment vieilles. Que tout le monde. Ouais, qu'on peu, peut, hein. Qu'on, ouais, que nous. C'est juste nous, que on a, peut-être qu'il est. Il est vocalise, c'est un mot français, je sais pas. Il est prononce d'une façon plus mature que nous, on pourrait, par exemple. Je sais pas. Bref. Bon, en tout cas, oui, c'est un truc qui se dit sur lui et que ouais. Lui-même. Confesse, donc bon, mais outre ça, oui, c'est il y a quelque chose qui se passe en fait chez les jeunes, chez les gens de notre génération, chez les fameux millennials. Millennials, voilà, je sais que c'est un mot qui fait un peu peur et tout, mais oui, c'est le cas. Et je sais pas pourquoi, comment l'expliquer, il y a quelque chose dans son cinéma, il y a une jeunesse qui résonne en nous. Est-ce que c'est parce qu'on a grandi avec les mêmes références, est-ce que c'est parce qu'on a écouté les mêmes musiques de merde au collège, ou tout simplement parce qu'on a la même conception de la beauté d'un plan. Moi personnellement, depuis qu'il y a le chef-op Turpin, ouais. Moi je savoure chaque plan, tout est beau chez lui, la lumière, les acteurs, le papier peint, le travail sur le flou, les affiches, c'est un plaisir d'esthète incontestable à chaque film, et même dans celui-là qui est peut-être moins bouleversant que Mommy ou juste La fin du monde, c'est, je sais pas, il y a plein de cinéma, il y a tout le cinéma populaire qu'il a aimé dans les années 90. Ok, c'est pour le meilleur et c'est souvent pour le pire hein. Voilà, on parlera on oubliera d'une séquence Stand By Me, voilà, il y a une séquence de pluie, de retrouvailles sous la pluie qui frise le mauvais goût quand mais même. Mais là, c'est en vrai, moi j'aime bien la scène, c'est la chanson qui a vraiment tout gâché. Moi je trouve que la mise en scène est quand même assez bigger than life quand oui, même. Oui, mais moi j'aime bien. Enfin, ça va avec le film, tu sais, avec le film très ricain où ça ouvre sur un plan de New York ou LA, je sais plus trop, en mode Dolly, tu sais, comme dans les séries. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est vraiment un réalisateur qui a pas peur de se vautrer dans le ridicule. Mais c'est pour ça que j'adore le kitsch. Sauf que ici, ça m'a un petit peu plus gêné qu'auparavant. Ouais. Ça ne m'a pas empêché de trouver l'histoire passionnante, de trouver la mise en scène Oh, extraordinairement efficace. Alors on a un écran dans le studio et Victor est en train de mettre Mommy dessus. Tu veux ouais, que je pleure en fait. je nous mets dans le bain, voilà. Et aussi c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce Donovan, c'est vraiment le film de toutes ses obsessions de cinéaste. Mmh. On retrouve, il y a mis de ses tripes en fait dans ce film, il y a mis son enfance, il y a mis ses rêves, il y a mis son amour des acteurs, tout ce qu'on a déjà vu dans sa filmographie auparavant, tous ses thèmes de prédilection. Donc il y a la relation mère-fils qui sont toujours aussi passionnantes, le rapport à l'homosexualité, le fait d'assumer son homosexualité. Le malaise d'un artiste qui revient dans sa famille après avoir réussi. Ouais. Y a des leçons de vie, il y a des rapports humains dans le film qui sont très forts. Il y a ces personnages miroirs là, l'enfant et l'acteur, qui se rencontreront jamais autrement que par l'épistolaire. Et malgré tout, ils vont apprendre l'un de l'autre et l'impact que tout ça aura sur leur vie, sans rien dévoiler, ça aboutit pour moi sur une fin qui est extraordinaire, qui est belle, qui est magnifique. Le plan de fin est super. Et franchement, s'il y a une raison d'aller voir le film, c'est pour voir comment ça se conclut. Et qu'est-ce qu'on en tire de tout ça ? Eh ben, on en tire une fin brillante et une leçon admirable. Et toi, Jade, qu'en as-tu pensé ? En fait, je suis d'accord. J'ai adoré, tu le sais. Ouais, parce que... Non, alors, excuse-moi, t'as coupé la parole. Faut savoir que Jade et moi avions vu le film ensemble, Première Sens de l'après-midi, le jour de sa sortie. Moi, alors le générique de fin arrive, j'ai qu'une envie, c'est de partir de la salle. Je regardais ma montre, voilà. Et là, j'ai même pas besoin de me retourner. J'entends. J'ai pas ému. Vas-y, Jade. Il entend. Et il me fait, ça va? Parce que j'étais en train de pleurer. Mais donc, oui, bah, j'ai adoré le film. C'est pas son meilleur, c'est pas mon préféré, mais j'ai quand même adoré. Il est quand même extrêmement touchant. J'ai l'impression, comme dans tous ces films, je pleure où il y a la fameuse scène, on va dire qu'il y a dans tous ces films, où le personnage principal va chanter une chanson avec sa mère, son frère, enfin. Son chien. Son chien, peu importe. Ce serait stylé ça. Mais oui, donc forcément, j'adore ce genre de scène-là. On en reparlera dans la deuxième partie de l'émission. Mais je suis aussi d'accord qu'on sent qu'il manque quelque chose et je trouve ça. Et je suis un petit peu déçue dans le sens où on sent qu'il y a tout un truc qui manque et que j'aurais tellement aimé voir et que j'aurais aimé 10 fois plus ce film s'il y avait eu ça. Mais après, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait son film. Mais il y a aussi quelques petites. Détail qui me dérange, notamment la chanson Stand By Me, que je trouve n'a rien à foutre là. En fait, on dirait, j'ai vraiment eu l'impression qu'il avait mis une autre musique au départ et qu'il a dû mettre. Tu aurais vu quelle musique ? En vrai, j'aurais vu du Woodkid comme dans la bande-annonce, ou un truc plus rythmé, tu vois, parce que c'est très lent. Ou une compo de Gabriel Yared, hein, tout ça. Oui, juste, ouais, mais comme il est pour rester dans les années. Non, mais allez, on va rester dans les années 2000. Oui, pour rester dans les années 2000. Moi, franchement, j'aurais vu une chanson de Pink, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est quand c'est émotion. Laquelle, hein. Alors, ça dépend de Complicated d'Avril Lavigne. Oui, tu as Avril Lavigne, mais j'ai Avril Lavigne dans un film de Xavier Dolan. Mais j'aime beaucoup ce film. C'est un très beau film en fait. Et tout ce qu'il a dit à Maury, mais en même temps, j'ai aussi quelques petites. Pas des réserves, mais quelques mini déceptions de. Tu sens qu'il y avait un truc. Tu sais qu'il l'a écrit, tu sais qu'il a tourné notamment tous les trucs avec Jessica Chastain, mais qui sont pas là. Et t'es en mode. Il manque, il y a un truc, même un truc tout con. C'est un mini spoiler peut-être de dire ça, mais juste une scène où on le voit recevoir la première lettre, où on le voit répondre, oui. On le voit pas, ça juste on un truc tout pas con. Pourquoi, on le voit même pas. Moi, ce que j'aime bien en revanche sur ça, c'est le hors-champ qu'il y a sur Kit Harington, c'est qu'on le voit jamais écrire les courriers et. Oui, non, mais juste la première lettre, ou le gamin qui écrit la première lettre avec sa mère, tu vois, tout excité en mode ah, j'ai t'aidé pour vivre ce moment, tu vois, par exemple, un truc petite, comme ça. D'ailleurs, un truc, mais qui me fume, comme disent les jeunes. J'adore dire ça. Les millennials, qui sont les fans de David Nolan. C'est que, en fait. Il a 11 ans dans le film, on est d'accord. C'est un peu chelou. On a 11 ans, et il raconte quand il a 11 ans, qui les a écrites il y a 5 ans. Ça fait 5 ans qu'il... Non, c'est... ça fait 5 ans qu'il s'envoie des lettres. Mais après, oui. Il explique que la première lettre, il l'a écrite avec sa mère. Mais les restes, ce qui le est logique. Reste. Mais du coup, ça fait quand même 5 ans, 5 années entre ses 6 et ses 11 ans où il entretient une relation genre logique et sensée avec un adulte. Donc ça veut dire qu'il a de la conversation, qu'il sait écrire, qu'il sait aller envoyer des lettres et tout à 6 ans. Et il devait s'envoyer quoi? Parce que si c'est... Bonjour John, voici un dessin de mon chien. Ouais. Avec un chien en bonhomme bâton, tu ouais. sais. Non mais oui. Et non. il lui répond, c'est bien, c'est très joli. C'est bien bravo. Rupert. C'est bien Rupert. C'est non, très bien. Dès 6 ans, il avait envie d'être acteur, ce personnage. Oui, c'est vrai qu'il est enfant acteur, on l'a donc pas dit. Il parlait d'autre chose que des dessins des chiens. Oui, non, mais je veux dire, à 6 ans, est-ce que t'as il parlait de ses rêves de cinéma, d'écrire vraiment des trucs logiques qui ont du sens, d'écrire bien, tu vois. Fin... On me dit un enfant de 6 ans qui écrit une histoire, j'aurais plus l'impression de voir Ralph Wiggum. Toujours tout ramener au Simpson. Exactement. Voir Ralph Wiggum envoyer un message à un acteur plutôt qu'à un gamin surdoué. Enfin ouais, enfin j'y croyais moyen, enfin pourquoi pas, ouais, enfin... Bah, en vrai je dis ça, mais enfin tu sais, ça m'a pas dérangé pendant le film, c'est après quand avec le recul, je me suis dit ouais, c'est un peu chelou quand même, tu vois. Même surtout, juste tu dis, tu le changes au dernier moment sur le tournage, je sais pas, mais juste tu rajoutes 2-3 ans, tu vois, pour que ça soit peut-être un peu plus cohérent, mais après ça change pas tout au film non plus. Ouais, non mais j'adore ce film. C'est un beau film, comme dirait ma mère. Non, c'est un film différent, mais on l'aime bien. Hein. Différent, mais on l'aime bien, ce compliment l'aimez. À voilà. moitié. C'est l'impression j'ai l'impression d'entendre, en fait. C'est vraiment... Non, je dis juste que c'est pas mon préféré, mais c'est quand même un très beau film. Et en tout cas, je l'ai plus aimé que juste La fin du monde, que j'ai pas trop aimé du tout. On va en parler. Et par contre, pour revenir à la storyline de Jessica Chastain, donc elle devait jouer une éditorialiste, un truc comme ça, genre d'un magazine, ouais. et qu'il a coupé complètement au montage. Il a déclaré sur Twitter, avant de supprimer son Twitter, qu'il adorerait inclure les scènes dans le DVD, mais qu'on sait pas si ça va être fait ou pas. Ça serait super. Et on va encore Release the Land Cut. Mais je kifferais voir la version, même si elle dure 4h, 4h30, j'ai l'habitude, je regarde beaucoup de films de Bollywood, de voir cette version, tu vois, avec vraiment la storyline. Et je serais curieuse que tu la regardes aussi, Victor, pour voir si ton avis change. Mais je pense qu'il changera, parce que, encore une fois, c'est ce qu'on voit pouvait être, qu'on aurait dû avoir aurait été beaucoup plus intéressant. Oui, là, en fait, j'ai vraiment eu un souci, c'est que plutôt que traiter les sujets lui-même, on a des réactions à ce sujet, en fait. On a vraiment des traits très réactifs. Mmh. Et ce qui donne pas forcément des trucs très intelligents ou très intéressants à écouter. Le personnage de Rupert, c'est basiquement un petit con. Moi j'ai... Il est vraiment... pas si con que ça. J'ai... C'est un petit... Il est... Je trouve dur quand même. C'est une tête brûlée, on va dire, ouais. tu vois. Il est très... à dire qu'il est antipathique et tout. Non, il est tellement antipathique. Non, moi, je le trouve sympa et tout. Bon. Il est un peu mignon, un peu attachant et tout. Mais c'est vraiment... C'est une... Bon, allez, alors, je vais modérer, mais... Il est un peu en mode... Ah, c'est pas bien, tu serais du côté des harceleurs à l'école qui non, tabassent non. l'enfant. Alors, c'est ça. je vais modérer mes propos. On va dire que, bon... Quand il est petit, c'est un petit con, mais ça va parce que c'est un enfant aussi. Donc c'est parce que c'est un enfant. Voilà. Ouais. Quand il est adulte et la partie interview, moi j'ai envie de dire, mais ferme ta gueule quoi. Parce mais que... tu sais, au début, il joue un peu dans le sens. Bah, tu vois que c'est un peu une tête brûlée et qu'il est un peu en mode. Je sais pas comment dire ça, je perds mes mots, mais. Truc turbulent. Ouais, non, mais tu sais, il teste un peu. La journaliste, mais au fur et à mesure il s'adoucit un peu et puis il devient un peu plus approchable et un peu plus touchant, je trouve. Mais bon, ce n'est que mon avis. À vous de vous faire votre avis. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce film avant qu'on parle de Dolan? Bah, en plus, comme on a pu le dire depuis, en fait on parle de lui depuis tout à l'heure parce que c'est un film. Oui, parce qu'on parle de Xavier Dolan, le film, donc oui, non, voilà, tous ces donc films, on c'est parle ça. De. Et d'ailleurs, du coup, on va en parler maintenant. Qui c'est vraiment Dolan? Et ben, on va vous le dire tout de suite. J'ai vu tant de choses que vous ne pourriez pas croire. Et d'ailleurs, c'est la troisième fois d'affilée que la deuxième partie de l'émission elle est consacrée au réal du film dont on parle avant. Alors Xavier Dolan, on l'a dit mille fois, c'est un réalisateur et aussi un scénariste et aussi un monteur et aussi un costumier et aussi un peu tout parce que il est c'est un couteau suisse, c'est un homme orchestre et, québécois ouais, et doubleur aussi. Doubleur aussi. On va en parler. Bah, hey, on en parle aussi de la séquence où encore une fois il nous montre qu'il est sa vie avec Dumbledore parce que il adore Harry Potter. Et il a doublé Ron Weasley. Alors, déjà, il faut se calmer, c'est pas Dumbledore. C'est Michael Gambon, mais on a compris pourquoi il a engagé Michael Gambon. Il n'y a pas Albus Dumbledore qui débarque avec sa longue barbe. Non, je suis pas d'accord parce que la scène. Et vous êtes au courant qu'on est passé la deuxième partie de l'émission. Non, mais je veux juste revenir sur ce point, excuse-moi. Franchement, la scène, elle survient quasiment en fin de film. Et j'avais vraiment l'impression que la projection, enfin que le disque dur ou projetant le film. En fait, tu as vu une dizaine de films d'autres. J'ai l'impression qu'en fait, ça a switché sur la fin d'un Harry Potter caché, en fait, d'un remake d'Harry Potter en projet. En vrai, pour moi, j'ai trouvé ça un peu. Tu sais, ça fait un peu le vieux sage qui débarque et qui te donne un conseil, mais. Dumbledore, c'est basiquement Dumbledore. Sauf que Dumbledore, il est inclus dans l'histoire. Enfin, je sais pas. D'ailleurs, sur la fiche IMDB de ce film, Dumbledore, enfin Michael Gambon, est crédité en tant que narrateur en fait dans ce oui, film. Oui, j'ai vu. Mais Si ça se trouve, il narrait tout le film et on le voyait à la fin. Ça aurait été vachement. Ouais, stylé, ça aurait été plus. Et puis ça aurait été plus. Logique parce qu'on l'aurait déjà entendu, tu vois. Là, il débarque juste dans une cuisine. Mais à un moment, il commence à parler de son petit-fils qui débarque mais à New York. C'est dans les trucs qui débarque coupé. À New York et qui est fan. Et pendant, je me dis, hey, ce serait pas le grand-père de Rupert en fait. Putain, ça serait trop stylé, mais je suis sûr ce que serait c'est dans Rupert stylé. Pas de je propose meilleure, qu'on parle de Xavier Dolan. Oui, donc, québécois de 29 ans qui était à la base un enfant acteur. J'ai découvert aussi en faisant des recherches sur lui que son rep c'était un chanteur d'origine égyptienne. Donc, son daron. Et donc oui, il est enfant acteur à la base. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir les pubs de Jean Coutu. C'est pour offrir notre mère. C'est pour offrir notre mère. Où Xavier joue un gamin un peu insupportable qui dans les magasins Jean Coutu pendant la période de Noël. Et c'est tout mignon et en même temps on a un peu envie de lui foutre une tarte, mais il est tout mignon, c'est Xavier tout petit. Alors, on l'a dit avant, il a des thèmes très spécifiques à lui. Enfin, c'est des thèmes un peu universels, mais c'est les thèmes qu'il aborde tout le temps dans tous ses films, dont les rapports mère-fils, la maternité, la famille, l'homosexualité, la célébrité dans certains de ses films. Et il a fait 7 films jusqu'ici. Déjà, et j'ai une question à vous poser. Quel est votre film préféré? Je sais pas, est-ce que vous les avez tous vus déjà? Oui. Oui. Oui, ok, bah c'est la première fois, grande première, on en a tous vu, tous les films. Lequel est votre préféré de Xavier Dolan et pourquoi? Victor. Alors moi je contourne la règle, je vais en citer deux. Bah vas-y, je t'en prie. C'est les deux films qu'il a fait l'un à côté de l'autre, qui sont Les Amours Imaginaires. Et Lawrence Anyways, que alors en fait j'ai un peu un c'est ça aussi qui fait la magie du cinéma, c'est que Les Amours Imaginaires, j'ai vraiment eu un sentiment la première fois que je l'ai vu, j'étais au lycée, c'était vraiment où on commençait vraiment la hype auprès des jeunes de Xavier Dolan, commençait à se créer. Et c'était des amis en option audiovisuelle qui m'ont dit mais regarde ces films, c'est superbe, c'est passionnant. Et je regarde Les Amours Imaginaires et je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc. c'est pas intéressant du tout. Je trouve que c'est celui où il y a le moins d'histoire dedans, en fait. Voilà, et voilà, c'était, je me dis ah c'est ça Xavier Dolan, ouais bof quoi. Pourquoi t'as pas commencé avec le premier? Mais en fait, je viens de tilter. J'avais commencé par ces deux premiers et j'avais aussi vu J'ai tué ma mère et ça ne m'avait pas convaincu non plus. Et c'est seulement quand j'avais en fin de lycée, enfin après le lycée, j'avais enchaîné en 2014 Tom à la ferme et Mommy et je me suis dit, je me suis peut-être trompé sur ce gaillard au final. Et des années plus tard, donc j'ai revu Les Amours Imaginaires. Et j'ai peut-être parce que je me sentais davantage peut-être plus concerné par les personnages, ou je me sentais peut-être plus proche d'eux. Et que tu avais grandi aussi. Voilà, c'est ça, mais c'est ça en fait, c'est que j'ai vraiment appris à grandir et à grandir avec ce film. Et moi, il y a en fait, c'est quelque chose que j'adore chez Dolan et qu'on ne retrouvait pas justement dans Ma vie avec John F. Donovan, c'est qu'il y a vraiment ce côté de la pulsion, la pulsion cinématographique, dans le sens où Dolan, quand il a envie de faire quelque chose pour exprimer un sentiment, il va toujours avoir l'impulsion de le mettre à l'écran, en fait. Mm-hmm. De le filmer avec les couleurs qu'il a envie. Ouais, c'est hop, Tetris, et bam, il y a une chute d'eau dans le salon qui écrase le personnage. Et... Voilà, c'est vraiment une romance pop, en fait, avec ces musiques qu'on adore tous écouter depuis qu'on a vu le film. Voilà, Dalida. Il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est que... Il y a aussi ça dans John F. Donovan, évidemment, c'est qu'il va foutre des musiques, enfin des musiques que t'écoutes, que t'entends à la radio, tu vois, vraiment de la pop, pendant toute une scène, et il va te les laisser en entier. Il a chambé, quoi, il le fait. Il nous a fait redécouvrir Dido. Oh putain, Dido. Voilà. Dido avec Mommy, ça marche. Quand on, moi, je me souviens que quand j'avais vu le film au cinéma, et qu'on entend les premières notes de Dido, je sais, ah, mais... Ça marche hyper bien, parce que dans sa note d'intention, dans les bonus, il dit qu'il a mis cette musique pour remettre un contexte historique, en fait, pour nous remettre en 2004, ouais, mais 2003. Et ça marche direct, parce que, bah, comme toi, moi, je me suis retrouvé en enfance, en fait, en écoutant Dido et ce film. Et là, en fait, et dans Les Amours Imaginaires, on a ça, mais non seulement il va apprendre à manier la musique d'une main de maître, enfin, moi, je me lasserai jamais du fondu qui enchaîne sur Bang Bang de Dalida avec Jump Around de House of Pain. C'est vraiment une idée qu'il a eue comme ça, mais que je trouve trop bien. Et c'est toujours ça, en fait. C'est vraiment ce côté du cinéma jeune qui a dû plaire à beaucoup, qui était de filmer les impulsions, les sentiments amoureux. De la manière la plus simple et la plus pop possible. Et dans Lawrence Anyways, il fait ça à merveille, mais en racontant ça sous forme d'une énorme fresque de 2h40. Ouais, il est long. C'est plus long, je crois. Ouais. Où on suit vraiment une fresque pop, en fait. Et ces deux films-là, je les aime beaucoup aussi, parce qu'on l'a souvent, on l'a aussi évoqué avec tous ces films parlent d'homosexualité, Ils en parlent, mais en même temps, c'est pas le premier sujet. Enfin, c'est pas une histoire de coming out ou quoi. C'est ça que j'aime bien aussi. C'est ça qui est absolument génial, c'est que, par exemple, dans Les Amours Imaginaires, c'est vraiment. Enfin, il va parler de bisexualité, d'homosexualité de la manière la plus naturelle. Ouais, c'est juste là, ça existe. C'est juste une histoire d'amour entre trois personnages. Ça marche du tonnerre. Mm-hmm. Et voilà, c'est pour ça que j'aime ce film. J'aime bien me retrouver avec ces personnages. C'est sur la transidentité plutôt que sur l'homosexualité. Ouais. C'est quand même. Oui, totalement. L'histoire, c'est sur ça. C'est vraiment tout le process. Pour s'accepter et se faire accepter par les autres. Amaury, je suis diamétralement opposé à Victor, en fait. Moi, je vois deux parties dans la filmo de Dolan. De « J'ai tué ma mère » à « Lawrence Anyways », c'est les hipsters. Et à partir de « Tom à la ferme », le hipster, et c'est même Xavier Dolan qui le joue, retourne chez les rednecks, chez les crooks au fin fond du Canada. Même chose pour Mommy, on est vraiment chez les rednecks. Et pareil, dans Juste la fin du monde, c'est une classe très moyenne. Moi, j'ai plus d'empathie pour ces films-là, de la deuxième partie. Voilà, clairement, moi, j'aimais pas Les Amours Imaginaires. Je trouvais l'histoire inintéressante. Je trouvais ça très, très chargé. Même Lawrence Anyways. Je l'apprécie un peu plus que les deux premiers, mais voilà, j'avais l'impression qu'il y avait un chef-d'œuvre quelque part, mais pas dans la version que j'ai vue. Je trouvais le film trop chargé, trop long. C'est marrant, c'est ce qu'il a dit Victor sur John F. Donovan. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je dirais pareil sur Lawrence Anyways, mais j'apprécie quand même le film. Hein, voilà, mais j'ai trouvé le film chargé. Quoi. Je suis sorti de là épuisé. Ouais, j'avais vu des fulgurances, de même que pour Les Amours Imaginaires que j'aime pas. Il y a des fulgurances dans le film, il y a des scènes cultes qui sont quand même géniales quoi, quand on les regarde une par une et qu'on oublie, enfin qu'on n'oublie pas. Il a une capacité, Dolan, à choisir à la musique, à choisir des plans, à choisir un ralenti, à le mettre où il faut pour nous imprégner la rétine de scènes qui sont aujourd'hui devenues cultes. Quel est cet androïde? Voilà, il y a cette scène. C'est ton accent québécois, ça? Il y a la scène de la soirée avec Anne Dorval dans Les Amours Imaginaires. Moi, je pense à la scène de soirée dans Lawrence Anyways avec Fade to Grey. Ouais. Et il y en a une autre aussi que j'adore dans ce même film où ils sont dans une voiture et il y a Bette Davis High qui passe à la radio. Il pleut à l'extérieur et ils s'embrassent. C'est magnifique. C'est un réalisateur qui n'a cessé pour moi de s'améliorer de film en film parce que sans doute qu'il lit trop les critiques, il le dit en interview, il lit trop les critiques et il essaye de réparer son cinéma entre guillemets et moi j'ai vraiment cette impression là qu'il s'est amélioré de film en film et qu'il s'est débarrassé de ses défauts et c'est pour ça que je parlais de film de la maturité avec Tom à la ferme, parce qu'on a un film qui est beaucoup plus ramassé, beaucoup plus âpre en fait dans son sujet, dans sa mise en scène ensuite ça lui permet de faire Momie. Donc la question c'était quel est mon film préféré de Xavier Dolan. Pour moi, je vais faire comme Victor, je vais en choisir deux. Je vais prendre moi Momie aussi, et je vais prendre Juste la fin du monde. C'est pour moi les films qui sont le mieux mis en scène. Il est vraiment à l'apogée de son talent, lui et le chef-op. Et voilà, je trouve Momie grande fresque, à la fois populaire et profonde. Il nous faudrait un réalisateur normal qui a une santé normale aurait besoin de 30 ans de psychanalyse pour avoir un rapport aussi aigu, une si précise analyse de ce que c'est un rapport entre un fils et sa mère et les mères de substitution. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand on fait un film, c'est faire sa thérapie. C'est vraiment passionnant sur ce sujet-là et vraiment, moi, je suis ressorti mais alors en larmes de certaines scènes de ce film. Et Juste à la fin du monde, pareil, sur l'analyse qu'il fait de la toxicité d'une famille mis en scène comme ça, mais avec Vincent Cassel qui joue extrêmement bien le mec toxique. Mais oui, c'est ça. Et pourtant, c'est le rôle Cassel, de composition. Hein. Cassel dans ce film, c'est le type qui a la rage et tout, mais c'est le plus travailler de tous, enfin, c'est celui qui a le plus de... Il devient vite. Qui souffre le plus. À la fin, il arrive vraiment à être touchant. À la fin, il nous arrache des larmes, en fait. C'est les gens, en fait, dans ce film qui ont tous un manque considérable et qui n'arriveront jamais à se dire à quel point ils s'aiment. Et je trouve que dans ce film, il y a l'utilisation du gros plan qui est très spécifique à Dolan, mais là qui est vraiment poussé, mais au bout, quoi. Je pense que 90% des plans de ce film sont des gros plans en téléobjectif. Et ils séparent volontairement chaque personnage dans le film, même quand ils sont ensemble dans le plan, ils sont séparés parce qu'il y a une amorce, il y a du flou. Ouais. Et c'est une idée radicale et formidable pour mettre en scène ce malaise-là. Et par ailleurs, contrairement à ses premiers films où il y a du chargé tout le temps, dans Juste la fin du monde, il distille les moments de fulgurance visuelle de manière très... très diluée en fait, et quand il y a une séquence onirique de rêve, de souvenir, elle arrive comme ça et on respire en fait. Avec l'hommage à Titanic. Oui, avec une scène, voilà, je pense que c'est ma scène préférée de toute sa filmo, c'est le personnage qui va dans un vieux grenier et qui tombe sur son vieux matelas et hop là, il s'imagine un soir qu'il a eu avec un ancien amant et c'est sur une musique, une missimis qui est géniale. Et il y a une référence effectivement à Titanic avec un personnage qui fout sa main sur une vitre pleine de buée. Enfin bref, voilà, c'est mes deux préférés de Momie et Juste la fin du monde. Et toi, Jade ? Merci. je vais essayer d'en parler sans pleurer, encore une fois. Ça va faire très prétentieux ce que je veux dire. J'ai un rapport très particulier avec... le cinéma de Xavier Dolan, parce que c'est la première fois que le premier film que j'ai vu de lui, j'ai vu J'ai tué ma mère, je sais plus pourquoi, à un moment de après la terminale, fin lycée, avant de commencer mes études supérieures, je me suis dit ok, je commence à le voir un peu partout, à voir son nom et tout, c'est qui, je vais regarder ses films. J'ai regardé toute sa filmographie dans la chronologique et tout, j'ai regardé J'ai tué ma mère et je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai ressenti tellement de trucs juste devant un plan que j'ai pleuré, mais c'est pas genre de tristesse ou parce que il se passe un truc triste dans l'histoire, mais parce que j'ai eu une vague d'émotions. C'est Stendhal, c'est ça. Ah mais c'était ouf. Et aussi parce que ça veut aussi faire très j'essaie de dire l'air chose pour pas avoir l'air d'une conne, mais non. Très prétentieuse connasse, mais je veux le dire, je m'en fous. C'est une, pas la première fois, mais c'est une des nombreuses fois où quand je vois ces films, je me dis que c'est ça que je veux faire. Pas dans le sens je veux faire comme lui, mais dans le sens c'est ce que j'ai dans ma tête, c'est ce que j'essaie de faire sortir de ma tête, et lui il le fait, et c'est un truc de ouf de voir ce que toi tu veux mettre à l'écran, de voir quelqu'un d'autre le faire, ouais, et de faire fonctionner tellement bien. C'est exactement bien, ce dont je voulais parler tout à l'heure quand je disais qu'il y a quelque chose qui résonne en nous, les jeunes, les millennials et tout. D'autant plus, nous c'est notre cas, à moi et à Jade, qui avons des rêves de cinéma, ouais. Et qui faisons des études de cinéma, qui espérions avoir une carrière dans le cinéma. C'est que quand on voit une réalisation, une mise en scène de Xavier Dolan, on a l'impression en fait qu'elle est très proche de ce qu'on aurait aimé faire. Enfin, moi, je témoigne de manière très personnelle parce que c'est ce que je pense, c'est parce que c'est ce que Jade pense, et c'est aussi ce que disent énormément de mes copains, de mes collègues qui font aussi du cinéma. C'est, il y a toujours Dolan quelque part qui hante en fait nos tournages d'apprentis cinéastes. Et c'est très curieux, je ne saurais l'expliquer. Il n'y a pas un cinéaste qui revient autant que lui. Ouais, mais même après, je sais pas, il y a tout ce que j'ai dans ma tête, ce que j'ai envie de faire depuis bah voilà, on voit la scène là, actuellement de danse et de chant en famille, enfin depuis de Mommy, depuis que j'ai je sais pas trop l'âge, mais depuis que je suis ado, pré-ado, et que je commence à avoir envie de faire des films et de raconter des histoires visuellement, tu vois, j'ai toujours eu envie de mettre des musiques pop pendant toute une scène. J'ai toujours eu envie de faire des scènes où les gens chantent ou dansent ou font un karaoké ou quoi, des trucs tout cons, mais tu sais, genre en faire des scènes clés. Et je vois quelqu'un le faire et je t'en dis, mais attends, mais c'est mon film, il l'a fait avant moi, c'est pas possible. L'intelligence sur cette musique, c'est la noosphère, tu vois, nos cerveaux ils se sont rencontrés mais c'est, ça fait extrêmement prétentieux ce que je dis, tu vois, je me mets pas du tout au même niveau que lui, surtout que j'ai pas fait un quart de ce qu'il a fait encore, mais on n'est peut-être pas au même niveau de privilège, je sais pas. Mais ouais, donc c'était ouf de voir ça. C'est pour ça que J'ai tué ma mère, ça reste mon préféré, mais aussi mon préféré ex aequo, parce que je vais pas les classer. C'est Mommy qui m'a bouleversée, mais autant dans l'histoire que dans le visuel. Et que, alors tout le monde est en mode, ouais, bon, la scène où c'est en 4 tiers, et puis il écarte les bandes, bon, gna gna gna, oui, pardon, 1 sur 1, et où il écarte les bandes, c'est bon, enfin voilà, c'est pas foufou, ouais, non plus. Non seulement c'est une je idée l'ai géniale vu au cinéma, qui fonctionne, mais vous savez même pas à quel point j'ai eu une vague d'émotions, et j'ai pleuré, j'étais en mode, mais c'est une putain d'idée de génie, et c'est, au-delà d'être une idée de fou, ça transmet quelque chose, parce que. Parce que c'est Steve qui s'évade. Mais voilà, c'est ça. Mais c'est un truc tout con. C'est faire du cinéma, c'est raconter une histoire avec des images. Et là, il le fait avec l'image, avec le format, avec la lumière, avec le jeu d'acteur, avec tout. Et c'est une putain. Tout est en symbiose de ouf. Et c'est fou d'avoir. Enfin, c'est peut-être pas fou, mais je veux dire, c'est extrêmement bien maîtrisé d'avoir réussi à faire ça. Et juste d'en avoir une idée. Je me dis, mais apprends-moi, mais s'il te plaît. Et enfin, tout le film m'a tout autant. Non, m'a touché, mais c'est ça. Il y a vraiment ça, un côté leçon de cinéma, en tout cas dans Mommy et dans Juste la fin du monde, à mon avis. C'est Hitchcock style, hein, quoi. C'est exprimer des choses, c'est du scénario, ses... par la mise en scène et par l'image. Et moi, j'adore analyser ces deux films-là, parce que à chaque fois que je le vois, je trouve une nouvelle scène à analyser, une nouvelle scène pour apprendre comme ça à plaquer des images, des ralentis, des mouvements de caméra, une esthétique sur des thèmes, sur des scénarios, sur des personnages. Mmh. Et je trouve qu'il le fait brillamment, et c'est une leçon de mise en scène, ce cinéaste. Voilà, c'est... Mais aussi bien technique que dans le ressenti, tu vois. Genre il c'est pas que théorique, quoi. Oui, c'est pas genre on va mettre ça là parce que ça veut dire ça. C'est pas ça. Que un télo, quoi. Les personnages ressentent ça et moi je ressens ça, alors je vais le faire comme je le sens. Et du coup, nous on le sent comme lui le sent, je suppose. Enfin bref, je me suis un peu emportée. Mais je voulais rebondir sur la musique, en fait. Si... pourquoi son utilisation de la musique est aussi intelligente, à mon sens, dans un film comme Mommy qui passe à côté de nous, là, dans le studio, c'est que quasiment toutes les musiques sont intra-diégétiques. En fait, elles appartiennent au personnage. Dans le cas de ce film-là, c'est parce qu'ils ont un CD de l'enfance où, qu'ils écoutaient dans leur Volvo quand ils étaient gamins avec leur père et tout. Et c'est vraiment une musique qui appartient au personnage. Et on retrouve à peu près ça dans. Ouais, et qui dans aussi à nous nous appartient. C'est pas gratuit en fait, c'est pas des musiques. C'est comme demain, ça nous appartient. Oh putain. Bref. Sauf opéra de Clef. Non mais ouais, c'est comme. Tu sais, quand moi j'écoutais dans ma voiture avec ma mère, on écoutait son CD de Jamiroquai, tu vois, quand j'étais gamine. Et bah maintenant. Non mais tu vois, je veux dire, si on faisait un film sur ma vie, si je faisais mon film Jade Domingo par Jade Domingo qui parle à Jade Domingo, et ben je mettrais. Cette musique de Jamiroquai dans une scène où je la chante dans ma voiture avec ma mère, tu vois. Et je pense que du coup, comme ça vient d'un endroit qui existe vraiment, bah ça touche d'autant plus les gens. C'est ma théorie. Je sais pas, je dis mais ça. Oui, non, mais oui, tu vois, c'est quelque chose qui est ancré dans le réel, dans le sens où même nous, on voit une scène où il y a une musique qu'on a connue, qu'on a chantée et tout, et bah ça va nous toucher plus que si on entend une musique cool, Ozone, mais qu'on connaît pas trop. Tu vois. Qui oserait mettre Ozone dans un film, quoi, oui, et ça marche. Ça m'énerve. Je dis comment il fait pour réussir à mettre Ozone dans un film et que ça marche autant. Enfin bon. Victor était plus doué pour, défoncer le film que on pour était recenser très, le réalisateur. On s'est un peu emporté, je pense, Victor. Il non, était mais très c'est silencieux. Bien, là, c'est bien, là-bas, c'est bien la bienveillance. Ça, bon, on va revenir à un truc plus rigolo. Pas de pain, voilà. Sinon, pour des trucs un peu plus formels, il s'est fait, on l'a dit, il a commencé à se faire un peu connaître vraiment du grand public quand il a, avec J'ai tué ma mère, donc en 2009, son premier film. Lorsqu'il est passé à Cannes dans la quinzaine des réalisateurs, et 5 ans plus tard à Cannes, Mommy est dans la compétition officielle et il se voit être remis le prix du jury ex aequo avec un autre film dont on ne parlera pas, mais on n'en parlera pas parce qu'en plus il s'appelle Adieu au langage, petite vanne C'est quand même un peu la méga teon, je trouve, que le film en 2014 n'est pas eu. Il a eu en ex-aequo, quoi. Il a eu un prix du jury, mais honnêtement. Il mérite Palme d'Or. On aurait. Ouais, je pense clairement. Il a je pense qu'ils étaient même. Mais qu'est-ce que ça veut dire au final, les Palmes d'Or, les prix du jury et tout? Vous savez plus rien dire maintenant. Mais. Ouais, voilà, c'est quand même bien en fait qu'il se fait monter, qu'il ait fait ce discours-là, qui était certes un discours de Palme, mais il a eu son moment de gloire, et aujourd'hui tout le monde se souvient de ce moment de gloire. J'étais beaucoup plus contente. Que Nuri Bilge, c'est là qui fait son discours. Aussi bien, je ne me souviens plus de ce film, mais tu l'as vu pas en entier, j'avoue, je confesse, j'étais peut-être un peu trop jeune à l'époque. Je ne l'ai pas vu, donc j'ai le DVD là, mais. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, on se souvient tous de ce discours formidable qu'il avait déclamé ce jour-là, et voilà, c'est son moment. C'est son moment pour Mommy. Ouais. On est un peu nul en blague aujourd'hui, c'est pas notre. Ouais, on n'est pas au top de la forme. Hein. Je sais pas ce qui nous arrive. Je suis un peu en panne pour dire des trucs sur Dolan. Est-ce qu'on peut parler de l'absence du père aussi, parce qu'on parle de Mommy, mais ça que je trouve intéressant dans ce film aussi, c'est que on n'a pas de papy. C'est peut-être aussi quand on a Mommy, mais on n'a pas de papy. Alors, je disais, ouais, Xavier Dolan dans l'interview, il arrête pas de dire que dans son enfance, il a connu sa mère, et sa mère a énormément inspiré. Il y a vraiment un espèce de complexe d'Oedipe autour de ça qui est intéressant. Et effectivement, dans ses films, il y a une récurrence de l'absence du père, mais dans tous ses films, quoi. Même dans Lawrence Anyways, il y a carrément un plan où il est là physiquement dans le plan où il prend tout le cadre. Et en même temps, il est tellement absent, enfin, il répond pas à son fils, il regarde sa télé. Et je trouve ça intéressant. Même dans Donovan, le père est absent. Dans Juste la fin du monde, le père est mort. Et son absence plane, et c'est tragique. Et voilà, je trouve cet aspect-là intéressant. Non, mais oui, mais c'est pour ça qu'il se concentre autant sur le rapport mère-fils. C'est un rapport mère-fils en l'absence du père. Ouais, il y a un rapport quasi psychanalytique. Oh là là. Psychanalytique, merci. C'est ça que tu veux dire. dans ce cinéma qui m'intéresse beaucoup et qui prouve que c'est un cinéaste qui se déshabille et c'est pour notre plus grand bonheur, je pense. Calme-toi, Maury. Pour finir, peut-être sur une note un peu plus drôle, je vous conseille deux vidéos, enfin un court-métrage qui s'appelle Miroir d'été que il faut un peu chercher pour le trouver, mais c'est il est très marrant, son personnage dedans. Et aussi je vous conseille d'aller googler Les Impadis et Xavier Dolan et juste savourer cette vidéo, je vous en dis pas plus. Le futur de Xavier Dolan aussi, parce qu'on l'a dit, c'est un acteur. Bientôt, on va le voir dans Boy Erased, qui sort quand en France ? Le 27 mars. Mars ? Oui. Bah, qui sort très bientôt en France, et aussi dans la suite de ça. Ah oui. Je ne sais pas quel personnage il va jouer, mais je sais qu'il joue dedans. Et en tant que réalisateur, on va le retrouver cette année, je pense d'ailleurs, pour Mathias et Maxime, un film de nouveau québécois. Donc il retourne au Québec, il retourne à ses sources. Et il lui-même le dit, il fait un film plus intime sur deux mecs qui tombent amoureux. Donc c'est vraiment moins... Il peut se reposer, quoi. Il s'est reposé avec ce film. Moi, je trouve que ça va être... J'ai hâte, parce que je pense que ça va vraiment être... retour aux sources, tu vois. Et du coup j'ai hâte de voir ça. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Xavier? Oui, moi je voulais parler d'un clip qu'il a réalisé que j'aime beaucoup, qui est College Boy de Indochine. Ah oui, oui, putain, c'est vrai. C'est sorti un peu de temps avant Mommy, pareil, en format 1 sur 1 avec le même acteur que dans Mommy, Antoine Olivier Pilon. En fait, je trouve que c'est vraiment une espèce de charge complètement graphique contre le harcèlement. Et je sais pas, ouais, c'est un court-métrage coup de poing qui explose, qui a pas peur de... Mais je pense que cette violence-là qui est graphique... coup de poing. Voilà, c'est un peu le cas de le dire, malheureusement. Ouais, malheureusement, voilà, il n'y a pas des coups de poing, il y a du pipi aussi, il y a des électrocutions, mais je pense que... Et encore, cette violence en fait, qu'il y a dans le court-métrage, je pense pas que ça suffise à nous faire ressentir ce que c'est que le harcèlement scolaire. Non. Et... Je sais pas, je trouve qu'il a c'est un film d'utilité publique et je trouve le visuel mais épatant, quoi. C'est oui, épatant, ouais, ce qu'il fait, c'est magnifique en noir et blanc comme ça et voilà. Il est d'ailleurs. C'était peut-être mon premier amour, je pense, avant Mommy. C'était peut-être le premier choc en fait que j'ai eu avec Xavier Dolan, c'était ce truc là. Et il avait aussi réalisé un clip pour Adèle, ouais. Qui est peut-être un peu moins... Alors On a Adèle dans le studio. It's me. Qui est Adèle qu'on retrouve à l'audio guide dans Ma vie avec John F. Donovan. Avec le générique Friends. Moi, ça, on a oublié de le préciser. Je trouve vachement cool. On avait discuté avec d'autres gens... de chez nos amis les aventuriers qui trouvaient ça un peu too much et un peu sorti de nulle part la musique d'Adèle sur le générique, mais moi je l'ai trouvé vachement bien, je l'ai trouvé bien rythmé et tout. Moi j'ai bien aimé cool. aussi, ouais, aussi. Est-ce que vous recommandez Ma vie avec John F. Donovan? Bien sûr qu'on recommande. Alors, Victor, je vais couper son micro. alors moi je vais plutôt, alors si vous voulez regarder des superbes fresques et des films sulfureux sur Hollywood, moi j'en conseillerais deux. Tu veux dire Boogie Nights? Boogie Nights, effectivement, de Paul Thomas Anderson, dont je pense Dolan voulait aussi faire adore, faire son c'est... Boogie Nights. Il adore, c'est le réalisateur préféré. Donc, n'est pas Paul Thomas Anderson qui veut, mais bien essayer quand même. Regardez Boogie Nights, c'est trop bien, c'est une super fresque, c'est vraiment les fresques des années du cinéma hollywoodien des années 80. Et dans un tout autre genre, et là je sens qu'Amory va bondir en disant que c'est nul et que c'est pas bien, mais ne l'écoutez pas. On a plus assez le temps pour vous disputer. C'est The Canyons de Paul Schrader. Ah mais il y a pas que moi qui vais bondir avec, là, Victor. avec Lindsay Lohan et James Dean. L'acteur porno. L'acteur porno, effectivement, D-E-E-N. Qui peut-être n'est pas... Mais n'est pas très correct. Ouais, pas très, c'est peu de le dire. Mais c'est un super film malade aussi, un peu comme John F. Donovan. Mais là au moins il y a beaucoup de choses à en tirer. Et très en tout bien. Cas, pas des beaux plans comme dans John Donovan. Hein. C'est là où ça a fait tout son charme. Mais on devrait faire un hors-série sur The Canyons. Faudrait que je regarde, mais j'ai peut-être pas très envie de parler de James Dean dans cette émission. On dira le mec, au lieu de dire James Dean. On bipera son nom. moi, je vous le recommande, oui. Je vous recommande aussi les autres films de Xavier Dolan, parce que je sais pas si vous avez entendu, mais j'ai une passion énorme pour son cinéma, donc voilà. Merci d'avoir été là autour de cette table, et merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez, comme d'habitude, nous suivre sur Twitter et sur Facebook, sur iTunes ou sur toute autre plateforme de podcast que vous utilisez. Vous pouvez nous donner une note si vous voulez, je sais pas, vous faites comme vous voulez, vous savez comment ça fonctionne. Et on se dit... à très bientôt pour une prochaine émission. À plus dans le bus.